Les Hauts de Hurlevent d'Émilie Brontë. Huitième épisode. Je demandais à Mrs. Dean comment la fille de Catherine et Edgar Linton avait grandi, ayant perdu sa mère à la naissance et laissé à un père rongé par le chagrin. Elle me dit que la petite Catherine avait poussé joyeusement, ignorant tout du drame qui avait entouré la mort de sa mère. Edgar lui interdisait de sortir en dehors des limites du domaine, de peur qu'elle ne croise un jour les habitants de Hurlevent et en particulier Heathcliff, dont elle ne connaissait même pas l'existence. Isabelle, épouse de ce dernier et sœur d'Edgar, mourut à son tour, et malheureusement, Edgar ne put obtenir la garde de son neveu Linton, qui se retrouva isolé à Hurlevent, objet du mépris de son père et des moqueries du jeune Ayrton. Puis Mrs. Dean continua en me racontant le 16e anniversaire de sa jeune maîtresse. Nous ne faisions jamais réjouissance pour l'anniversaire de la jeune Catherine, parce que c'était aussi celui de la mort de mon ancienne maîtresse. Son père passait invariablement cette journée, seul, dans sa bibliothèque, puis s'en allait vers le soir, jusqu'au cimetière de Gimmerton, où il restait souvent au-delà de minuit. Cette année-là, le 20 mars fut une superbe journée de printemps. Et quand son père se fut retiré, ma jeune maîtresse descendit habillée pour sortir. Lily, allons nous promener à la lisière de la lande. Papa m'a donné sa permission. Il y a un endroit où toute une banque de coqs de bruyère s'est installée. Je veux voir si elles ont déjà fait leur nid. Ce doit être assez loin, ils ne font pas leur couvée en bordure de lande. Non, ce n'est pas loin. J'étais tout près de là avec papa. Allons-y. Je mis mon chapeau et sortis sans réfléchir davantage. Au début, je pris grand plaisir à jouir de la douce chaleur du soleil et à observer mon enfant chéri avec ses boucles dorées qui flottaient dans son dos et ses yeux rayonnant d'une joie sans nuages. C'était une heureuse créature en ce temps-là. Eh bien, où sont vos coqs de bruyère, Miss Cathy? Nous devrions les avoir trouvés. Ah, la haie du parc est bien loin à présent. Oh, allons un peu plus loin. Seulement un peu plus loin, Nelly. Nous nous enfonçâmes dans la lande. Cathy continuait à aller de l'avant et je fus forcée de la suivre. Pas trop loin, Miss Cathy. Finalement, elle disparut dans un creux. Quand je la revis, elle était plus près de Hurlevent que de sa propre maison. Et j'aperçus deux personnes qui l'arrêtaient, dont l'une, j'en eus la conviction, était Mr. Heathcliff lui-même, et l'autre, Ayrton. Cathy avait été prise en flagrant délit, pillant ou pour le moins cherchant des nids de coqs de bruyère. L'endroit se trouvait sur les terres de Heathcliff et il réprimandait la braconnière. Je n'en ai pris ni trouvé aucun. Je n'avais pas l'intention d'en prendre. Mais papa m'a dit qu'il y en avait des quantités par ici et je voulais voir les œufs. Heathcliff me regarda avec un sourire méchant qui signifiait qu'il savait à qui il avait affaire. Et que par conséquent, il entendait être malveillant. Et qui est votre papa, jeune fille ? Mr. Linton, du manoir de la Grive. Je pensais bien que vous ne me connaissiez pas, sans quoi vous ne m'auriez pas parlé de la sorte. Et vous pensez que papa est hautement estimé et respecté? Et vous, qui êtes-vous? Cet homme-là, je l'ai déjà vu. Est-ce votre fils? Miss Cathy, il faut vraiment que nous rentrions maintenant. Non, cet homme-là n'est pas mon fils. Mais j'ai un fils. Et vous l'avez déjà vu, lui aussi. Bien que votre gouvernante soit pressée, je crois qu'un peu de repos vous ferait du bien à toutes les deux. Voulez-vous venir chez moi? Miss n'acceptait sous aucun prétexte. Pourquoi? Je suis fatiguée de courir. Allons-y, Nelly. Je devine où il habite. C'est la ferme où je suis entrée en revenant des Rocs de Penistone, n'est-ce pas? En effet. Ayrton, Va devant avec la jeune fille. D'accord. Nous ferons route ensemble, Nelly. Denis. Mister Heathcliff, c'est très mal. Je veux qu'elle voie Linton. Il a meilleur air depuis quelques jours. Ce n'est pas souvent qu'il est présentable. Je suis convaincue que vous avez de mauvais desseins. Mon dessein est aussi honnête que possible. Je vais vous l'exposer en entier. C'est que les deux cousins puissent tomber amoureux l'un de l'autre et s'épousent. J'agis généreusement envers votre maître. Sa bambine n'a pas d'espérance. Et si elle seconde mes vues, elle sera aussitôt nantie, puisqu'elle deviendra mon héritière conjointement à Linton. Si Linton mourait et il est très douteux qu'il vive, c'est Catherine qui hériterait. Non pas. Il n'y a dans le testament aucune clause à cet effet. Ses biens me reviendraient. Entrez, entrez. Nous entrâmes dans la maison. Linton se tenait devant l'âtre. Il était devenu grand pour son âge, car il s'en fallait de quelques mois qu'il n'eût 16 ans. Ses traits étaient toujours agréables, et ses yeux et son teint plus brillants que je n'en avais souvenance. Mais ce n'était là qu'un éclat passager emprunté à l'air salubre et aux bienfaits du soleil. Eh bien, qui est-ce là? Pouvez-vous le dire? Votre fils? Oui. Oui, mais est-ce vraiment la première fois que vous le voyez, Catherine? Réfléchissez. Oh, vous avez la mémoire courte. Linton, tu ne te rappelles pas ta cousine? Tu nous tracassais tant pour la revoir. Quoi? Linton? Est-ce là le petit Linton? Mais il est plus grand que moi. Est-il vrai Linton? C'est bien moi, Miss Catherine. Oh, je suis heureuse de vous voir. Ainsi donc, vous êtes mon oncle. C'est singulier d'habiter depuis tant d'années si près et de ne jamais venir nous voir. Pourquoi ne jamais nous rendre visite? Je suis venue au manoir une ou deux fois de trop avant votre naissance. Méchante Nelly qui aurait voulu m'empêcher d'entrer. Mais je ferai cette promenade tous les matins à l'avenir. Naturellement. Mais attendez, maintenant que j'y pense, je ferais mieux de vous le dire. Votre père est prévenu contre moi. Nous nous sommes querellés à un certain moment de notre vie avec une férocité sans merci. Et si vous lui dites que vous êtes venu à Hurlevent, il opposera un veto formel à toute visite de votre part. Ainsi donc, n'en dites rien. À moins que vous ne teniez pas à revoir votre cousin. Pourquoi vous êtes-vous querellé? Il me trouvait trop pauvre pour épouser sa sœur et il a été fâché que j'obtienne sa main. Il a été blessé dans son orgueil et il ne me le pardonnera jamais. Mais Linton et moi n'avons aucune part à votre querelle. Je ne viendrai pas ici en ce cas, c'est lui qui viendra au manoir. Ce sera trop loin pour moi. 4000 à pied me tueraient. Je crains, Nelly, de perdre ma peine. Miss Catherine, comme l'appelle ce nigaud, découvrira ce qu'il vaut. Oh, la peste soit de cette insipide créature. À présent, me voilà occupé à se sécher les pieds au lieu de la regarder. Linton! Oui, mon père. Mais n'as-tu rien à montrer à ta cousine, nulle part? Pas même un terrier de lapin? Ou de belette? N'aimez-vous pas mieux rester ici? Je ne sais pas. Ayrton! Ouais? Viens donc voir ta cousine! Je viens. Oh, il faut que je vous demande quelque chose, mon oncle. Ce n'est pas mon cousin, n'est-ce pas? Si. C'est le neveu de votre mère. Il vous déplaît? T'es pas un beau gars? Emmène-la faire le tour de la ferme, Ayrton. Et fais bien attention à te conduire en homme du monde. Très bien. Vous venez, Catherine? Je vais vous montrer le verger. Heathcliff suivit des yeux le couple quand celui-ci passa devant la fenêtre. Ayrton me fait plaisir à voir. Il a comblé mon attente. Oh, si c'était un imbécile né, je ne m'en réjouirais pas moitié autant. Mais ce n'est pas un imbécile. Et je puis sympathiser avec tous ses sentiments pour les avoir éprouvés moi-même. Je sais exactement ce qu'il souffre à présent. Mais il ne sera jamais capable d'émerger de son abîme de grossièreté et d'ignorance. Je le tiens plus ferme que sa canaille de père ne me tenait. Et je le maintiens plus bas aussi. Car il a l'orgueil de son état de brute. Je lui ai appris à mépriser comme faiblesse et sottise tout ce qui dépasse l'animal. Nelly, ne croyez-vous pas que Hindley serait fier de son fils s'il pouvait le voir? Presque aussi fier que je le suis du mien. Non, mais il y a cette différence que l'un est de l'or employé à paver les rues, l'autre du fer blanc qu'on a poli pour singer un service en argent. Le mien n'a rien qui vaille, intrinsèquement. Pourtant, j'aurais le mérite de le faire aller aussi loin que le peut un aussi piètre matériau. Le sien avait des qualités de premier ordre, et elles sont perdues. J'aurais aimé ce garçon-là, s'il eût été quelqu'un d'autre. Et le plus beau de l'affaire, c'est qu'il m'est diablement attaché. Hein ? Vous reconnaîtrez que j'ai surpassé Hindley en cela. Le jeune Linton, qui était assis trop loin de nous pour entendre ce qu'on disait, commença bientôt à s'agiter, se repentant sans doute de s'être privé du plaisir de la compagnie de Catherine. Allez, lève-toi, paresseux. Cours après eux. Je les entends qui reviennent. Allez. Qu'est-ce que ces inscriptions au-dessus de la porte? Quelque sacrée écriture. Je peux pas la lire. Il ne sait pas ses lettres. Auriez-vous pu croire qu'il existe un crétin de pareille taille? A-t-il toute sa tête ou est-il simple d'esprit? Ma cousine te prend pour un idiot, Ancho. Tu vois ce que tu récoltes à présent pour avoir dédaigné d'étudier? À quoi diable ça sert les livres? À quoi le diable sert-il dans cette phrase? Papa t'a défendu de dire de vilains mots et tu ne peux pas ouvrir la bouche sans en proférer un. Tâche de te conduire convenablement, je t'en prie. Si t'étais pas une fille plutôt qu'un garçon, je t'assommerais à l'instant. Je te le dis, pauvre petite mauviette que t'es. Mr. Heathcliff, qui avait entendu la conversation aussi bien que moi, sourit quand il vit partir Ayrton. Mais immédiatement après, il lança un regard empreint d'une aversion singulière au couple moqueur qui restait à bavarder sur le seuil, discutant des défauts et des insuffisances de Ayrton. Ce soir-là, Miss Cathy ne fit pas mention de notre visite à Hurlevent parce qu'elle ne vit pas Mr. Linton. Mais le lendemain, elle lui fit un récit fidèle de son excursion et des suites de celle-ci. Et mon maître, bien qu'il me lançât plus d'un regard de reproche, ne dit rien jusqu'à ce qu'elle eût terminé. Sais-tu, ma Cathy, pourquoi je t'ai caché que ton cousin Linton était dans le voisinage? Parce que vous détestez Mr. Heathcliff? Non, c'est parce que Mr. Heathcliff me déteste. Et c'est un homme infiniment diabolique qui met sa joie à faire le malheur de ceux qu'il hait s'ils lui en fournissent la moindre occasion. Je savais que tu ne pourrais garder des relations avec ton cousin sans entrer en contact avec son père. Et je savais qu'il te détesterait à cause de moi. Aussi, ai-je pris pour ton propre bien, et non pour d'autres raisons, des précautions pour que tu ne revoies pas Linton. Je voulais t'expliquer cela quand tu serais plus grande et je regrette d'avoir tant attendu. Il faut que tu saches que Mr. Mon maître lui décrivit alors en peu de mots comment Heathcliff s'était conduit avec sa sœur Isabelle et comment Hurlevent était devenu sa propriété. Miss Cathy parut si profondément atteinte et si bouleversée par ce nouvel aspect de la nature humaine que Mr. Edgar jugea inutile de s'appesantir davantage. Quelques semaines plus tard, pourtant, en inspectant un des petits tiroirs de la bibliothèque où Cathy fourrageait pendant des heures, je trouvais toute une masse de correspondances, presque journalières apparemment, de Linton Heathcliff. Il s'agissait des réponses aux lettres qu'elle lui avait envoyées en cachette. Je menaçais de les montrer à son père, mais elle me supplia de les brûler, et je cédais. Le lendemain matin, je répondis à la dernière lettre de Linton par un bout de papier où j'avais écrit « Maître Heathcliff est prié de ne plus adresser de billets à Miss Linton, car elle ne les acceptera pas. » L'été avait pris fin, remplacé par un automne précoce. Mon maître attrapa un mauvais rhume qui le tint enfermé tout l'hiver, presque sans discontinuer. Un après-midi d'octobre, j'accompagnais ma jeune maîtresse pour une promenade au fond du parc. C'était la promenade qu'elle préférait d'ordinaire lorsqu'elle était abattue, ce qui lui advenait invariablement quand Mr. Edgar avait été plus malade que de coutume, chose qu'il n'avouait jamais, mais que nous devinions toutes deux à son silence accru et à sa physionomie mélancolique. Tout en marchant, nous nous étions approchés d'une porte verrouillée qui donnait sur la route. Ma jeune maîtresse, retrouvant son entrain radieux, grimpa jusqu'au sommet du mur où elle s'assit et tendit les bras pour atteindre des baies écarlates dans les hautes branches des églantiers. Mon chapeau! Je vais descendre de l'autre côté pour le ramasser. Prenez garde de ne pas tomber, Miss! Nelly, il va falloir que vous alliez chercher la clé. Je ne puis pas escalader le mur de ce côté-ci. Les pierres sont trop lisses. Restez où vous êtes, Miss. Je reviens tout de suite. Qui est-ce? Nelly, je voudrais bien que vous puissiez ouvrir la porte. Oh, Miss Linton, je suis heureux de vous rencontrer. Ne vous hâtez pas de rentrer, car j'ai une explication à vous demander. Je ne vous parlerai pas, Mr. Heathcliff. Papa dit que vous êtes un méchant homme et que vous nous haïssez, lui et moi. Là n'est pas la question. Je ne hais pas mon fils, que je sache. Et c'est à son sujet que je réclame votre attention. Oui, vous avez lieu de rougir. Voici 2 ou 3 mois, n'aviez-vous pas coutume d'écrire à Linton? De jouer aux amoureux, hein? Je suppose que vous vous êtes lassé de cet amusement. Et que vous l'avez abandonné, n'est-ce pas? Eh bien, Linton était sérieux, lui. Vraiment amoureux. Aussi vrai que je vis, il se meurt d'amour pour vous. Et il sera sous terre avant l'été si vous ne le guérissez pas. Comment pouvez-vous mentir aussi effrontément à cette pauvre enfant? Passez votre chemin, de grâce! Miss Cathy, je vais faire sauter la serrure avec une pierre. Je ne savais pas qu'on écoutât aux portes, chère Mrs. Dean. Catherine Linton, ma jolie enfant, je ne serai pas à la maison toute la semaine. Allez voir si je n'ai pas dit vrai. Je jure sur mon salut qu'il va à la tombe. Et que vous seul pouvez le sauver. Nelly, je jure que Linton est mourant. Venez, Miss. Nelly, il faut absolument que je dise à Linton que ce n'est pas ma faute si je ne lui écris pas. Encore une fois, je cédai. Et le lendemain, me vis sur la route de Hurlevent à côté du poney de mon entêtée jeune maîtresse. Nous entrâmes dans la ferme par la cuisine pour nous assurer que Mr. Heathcliff était vraiment absent, car je n'avais que peu de foi dans ses affirmations. Votre maître est-il là, Joseph? Votre maître est-il là? Néné, Néné, vous savez quand vous en retournez, d'où c'est que vous venez? Toujours dégoisé, celui-là. Je peux m'en De vigoureuses bouffées de fumée et un regard résolument fixé sur la grille du foyer montrèrent que Joseph n'avait pas d'oreille pour cet appel. Nous avions reconnu la voix de Linton et nous entrâmes dans la salle. Oh, j'espère que vous mourrez de froid dans un grenier et que vous... Mon cher cousin... Est-ce vous, Miss Linton? Non, ne m'embrassez pas. Cela me coupe la respiration. Mon Dieu. Papa m'avait dit que vous viendriez. Voulez-vous fermer la porte, s'il vous plaît? Vous l'avez laissée ouverte. Et ces détestables créatures ne veulent pas apporter du charbon pour le feu. Il fait si froid. Eh bien, Linton... Êtes-vous content de me voir? Puis-je faire quelque chose pour vous? Pourquoi n'êtes-vous pas venu plus tôt? Cela me fatiguait affreusement d'écrire ces longues lettres. J'aurais bien mieux aimé vous parler. Maintenant, je ne puis plus supporter de parler, ni de faire quoi que ce soit. Je me demande où est Zila. Voulez-vous aller voir dans la cuisine? Il n'y a là que Joseph. Votre père est-il attentionné à votre égard, maîtresse Cliff? Attentionné? Il oblige les autres à être un peu plus attentionnés, voilà tout. Les misérables! Savez-vous, Miss Linton, que cette brute de Ayrton se moque de moi? Je le déteste. En vérité, je les déteste tous. Ce sont des êtres odieux. Êtes-vous content de me voir? Oui, certes. C'est une nouveauté que d'entendre une voix comme la vôtre. Mais j'ai été bien contrarié que vous ne veniez pas. Et papa jurait que c'était de ma faute. Il me traitait d'individu pitoyable, traînard, nul. Il disait que vous me méprisiez. Que s'il avait été à ma place, il serait déjà le maître du manoir, plus encore que ne l'est votre père. Mais vous ne me méprisez pas, n'est-ce pas, miss? Appelez-moi donc Catherine, ou Cathy. Vous méprisez, mais non. Après papa et Nelly, je vous aime plus que personne au monde. Je n'aime pas Mr. Heathcliff, il est vrai. Et je n'oserai pas venir quand il sera de retour. Restera-t-il absent de longs jours? Non. Mais il va souvent sur la lande depuis que la saison de la chasse a commencé. Et vous pourriez passer une heure ou deux avec moi pendant son absence. Oui? Dites-moi que vous viendrez. Si je pouvais seulement obtenir le consentement de papa, je passerais la moitié de mon temps avec vous. Mon joli Linton, je voudrais que vous fussiez mon frère. Et alors, vous m'aimeriez autant que votre père? Mais papa dit que vous m'aimeriez plus que votre père et que le monde entier si vous étiez ma femme. Non, je n'aimerais jamais personne plus que papa. D'ailleurs, il arrive que les gens détestent leur mari ou leur femme. C'est faux. Aucun homme ne déteste sa femme. Moi, je vous dis que si. Savez-vous que votre père détestait votre mère? Tellement qu'elle s'est enfuie. Vous mentez. C'est papa qui me l'a dit. Et papa ne dit pas de mensonges. Mon papa, à moi, méprise le vôtre. Il dit que c'est un sot et un lâche. Le vôtre est un méchant homme. Il faut qu'il le soit pour que tante Isabelle l'ait abandonné comme elle l'a fait. Elle ne l'a pas abandonné. Si, elle l'a abandonné. Eh bien, je vais vous dire quelque chose à mon tour. Votre mère détestait votre père. Voilà. Et elle aimait le mien. Petit menteur. Je vous déteste à présent. Elle l'aimait, elle l'aimait. Catherine, hors d'elle-même, poussa violemment le fauteuil, ce qui fit tomber Linton contre un des bras. Il fut immédiatement saisi d'une toux suffocante qui mit bientôt fin à son triomphe. Elle dura si longtemps que j'en fus moi-même effrayée. Quant à sa cousine, elle se mit à pleurer de toutes ses forces, consternée du mal qu'elle avait causé. Je regrette de vous avoir fait mal, Linton. Vous m'avez fait tant de mal que je vais veiller toute la nuit. En m'étranglant avec cette toux. Et vous vous dormirez tout tranquillement pendant que je serai à l'agonie. Miss Cathy ne vous dérangera plus. Et peut-être serez-vous plus calme quand nous vous aurons quitté. Allez, Miss Cathy, allons-y. Après s'être attardée, Catherine finit par faire un mouvement vers la porte et je la suivis. Un cri nous rappela. Linton avait glissé de son siège sur la pierre du foyer et restait là à se débattre par pure perversité d'enfant gâté qui a résolu de se rendre aussi insupportable et aussi odieux que possible. Mais ma compagne n'en jugea pas ainsi. Elle revint en courant, terrifiée, s'agenouilla, pleura, caressa, supplia, jusqu'à ce qu'il se calmât faute de souffle, nullement par remords de l'avoir affolé. Le voilà installé. J'espère que vous avez compris, Miss Cathy, que ce n'est pas vous qui pouvez lui faire du bien. Allons-nous-en. Il faut que vous reveniez pour me guérir, Catherine. Vous devez revenir, parce que vous m'avez fait beaucoup de mal. Vous avez vraiment envie de me voir? Vous voudriez que je vienne de temps à autre? Oh, je vous ai dit que oui. Vous viendrez demain, n'est-ce pas? Non, ni le jour suivant. Catherine fit évidemment une réponse différente, car le front de Linton se dérida, tandis qu'elle se penchait vers lui pour lui chuchoter quelque chose à l'oreille. puis nous quittâmes la maison. Vous ne viendrez pas demain, sachez-le bien, miss. Le manoir n'est pas une prison, Nelly. Vous n'êtes pas mon geôlier. D'ailleurs, j'ai presque 17 ans, je suis une femme. Et j'ai la certitude que Linton guérirait vite s'il m'avait près de lui pour le soigner. Je l'apprivoiserais si bien s'il était à moi. Ne l'aimez-vous pas, Nelly? L'aimer? C'est le plus crâcheux des petits bouts d'hommes maladifs qui ait jamais barboté dans la jungle. Heureusement qu'il n'atteindra jamais ses 20 ans, comme M. Iscliff l'a prédit. À vrai dire, je me demande même s'il verra le printemps. Et ce ne sera pas une bien grande perte pour sa famille. C'est une chance pour nous que son père l'ait repris. Plus on le traiterait gentiment, plus il serait insupportable et égoïste. Maintenant, écoutez-moi bien. Si vous essayez de retourner à Hurlevent, avec ou sans moi, j'avertirai Mr. Linton. À moins qu'il ne donne sa permission, l'intimité que vous aviez avec votre cousin ne doit pas reprendre. Elle a repris. Ne doit pas continuer, alors. Nous verrons. Léo de Hurlevent, d'Emily Brontë, 8e épisode. Traduction Pierre Léris. Adaptation Juliette Eman. Avec Clotilde Mollet, Mrs. Dean, Guillaume Durieux, Iscliff, Laurent Cléry, Lockwood, Leslie Menu, Catherine, Sylvain de Guillaume, Ayrton, Brice Hilleret, Linton, Jean-Claude Frissung, Joseph, Arnaud Aldiger, Edgar Linton. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Bruitage, Sophie Bissons. Musique originale et piano, Denis Chouillet. Violoncelle, Elena Andreyev. Prise de son, montage et mixage, Antoine Vieussa, Bernard Laniel et Élise Leu. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Réalisation, Juliette Eman. Hurlevent Démon est publié aux éditions Flammarion.